بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui un nouveau chapitre, Babu al-Tayammum, le chapitre du Tayammum, et c'est l'avant-dernier chapitre du Kitab, c'est-à-dire Kitab al-Tahara, huwa الباب الذي هو قبل الأخير في هذا الكتاب في كتاب الطهارة. Et inshaAllah ta'ala, on va avoir une petite pause dans quelques temps, je pense à peu près un peu moins de 3 semaines, inshaAllah. Et on va essayer, bi'idhnillah, de finir les deux chapitres dans ces 3 semaines. Pour l'instant, on garde les cours comme ils sont, inshaAllah, 3 cours par semaine. Si je vois que il y a besoin de rajouter un ou deux cours, à ce moment-là, on va rajouter des cours des vendredis, Inch'Allah, pour finir Kitab al-Tahara. Toyib fait Bab al-Tayammum, le chapitre lié au Tayammum. Ne me demandez pas la traduction du Tayammum, je ne connais pas. C'est Tayammum. Fait Tayammum, huwa mashul wajh wal yadayn min as-sa'il at-tayyib badalan an taharati al-ma' عند تعذر او عند تعذر استعماله. Et donc le tayammum, c'est le fait de passer les mains ou de frotter les mains et le visage. Non, excusez-moi, de frotter le visage et les mains avec as-sa'id at-tayyib. As-sa'id at-tayyib, il y a une divergence concernant les savants sur la une divergence des savants concernant la signification de as-sa'id at-tayyib. Est-ce que c'est que la terre? Ou est-ce que c'est tout ce qui monte, tout ce qui est apparent à la surface de la terre? Et donc pour l'instant, on va garder le mot comme il est, as-sa'id ou at-tayyib, et lorsqu'on va aborder la divergence, on verra c'est quoi le radih, inshallah ta'ala. Et donc, c'est le fait de passer les mains, de frotter le visage et les mains, avec le sa'id at-tayyib, donc le sa'id qui est pur, à la place de la purification par l'eau, lorsque nous sommes en incapacité d'utiliser l'eau. Par exemple, une personne qui est dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Ou alors, une personne qui est dans un endroit où il y a de l'eau, mais qui est malade, qui a une maladie à la peau ou sur la peau ou autre. À ce moment-là, cette personne va faire le tayammum. وقال بعض العلماء التيمم هو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. Et certains savants, ils disent que le tayammum, c'est le fait de se... C'est une purification par la terre. Une purification par la terre qui comprend le fait de frotter le visage et les mains lorsqu'il n'y a pas d'eau ou lorsque nous n'avons pas la capacité d'utiliser l'eau. وَلَعَلَّ التَّعْرِيفَ الْأَوَّلِ أَفْضَلْ لِكَوْنِهِ شَامِلًا لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّيَمُّمِ. Et je pense que la première définition que j'ai citée est meilleure car celle-ci englobe tous les types de tayammum, que ce soit avec la terre ou autre. Parce que la deuxième signification, elle nous dit donc c'est une purification par la terre. D'accord ? Et on verra, comme je vous ai dit, on verra toute cette divergence par la suite. ذكر العلماء أن التيمم من خصائص هذه الأمة. Les savants, ils ont cité que le tayammum fait partie des spécificités de cette communauté. De la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وهذا أيضا يدل على تيسير الله Dina li hadhihi al-umma. Et cela aussi nous montre le fait que Allah a facilité la religion à cette communauté. Encore une fois, un texte de plus qui nous montre que la religion elle est facile. Mais est-ce que nous faisons les quelques efforts qui nous sont demandés? Wa ajma' al-ulama 'ala mashru'iyyati at-tayammum. Et les savants sont unanimes concernant la licéité du tayammum. Il y a unanimité des savants. Qala Ibn Abdul Barr fil istizkar. Ibn Abd al-Barr, donc un des grands savants du Madhhab Malikite, qui dit dans son livre Al-Istidkar, Ajma' al-ulama bil-amsar bil-mashriki wal-maghribi fima alimtu anna tayammuma bis-sa'idi inda adam al-ma' tahuru kulli muslimin maridin aw musafirin sawa'an kana junuban aw ala ghayri wudu'in wa la yakhtalifuna fi dhalik intaha. Il dit Ibn Abd al-Barr rahimahullah, les savants de toute contrée sont unanimes, d'ouest et d'est. Ils sont tous unanimes, de ce que je sache, sur le fait que le tayammum avec le sa'id, lorsqu'il n'y a pas d'eau, donc le tayammum avec le sa'id, lorsqu'il n'y a pas d'eau, est l'élément de purification de tout musulman, malade ou voyageur, qu'il soit en état de djenéba, ou alors qu'il ait perdu ses ablutions, donc les petites ablutions. Et il ne diverge pas en cela. Fin de citation. Les savants sont donc unanimes. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et donc, que vous n'ayez pas trouvé d'eau, alors faites le tayammum avec un sa'id qui soit pur. Et le sa'id, comme je vous ai dit, on verra la signification du sa'id par la suite. Et donc le premier hadith. An Imran ibn Hussein, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusallima al-qawm. Fa qala ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fi al-qawm? Fa qala ya rasul Allah, أصابتني جنابة ولا ماء. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. Et donc selon Imran ibn Hussein رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a vu un homme qui était isolé du groupe. Il n'a pas prié avec la jama'a. Pendant que les autres qu'il priait, lui, il était isolé. Il n'a pas prié avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Ô Foulen, ô Antel, qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec le groupe ?» Il a dit, « Ô messager d'Allah, j'ai été touché par la janaba. » J'ai été touché par la janaba, qu'on a déjà vu. Alors, donc, « J'ai été touché par la janaba et il n'y a pas d'eau. » Il n'y a pas d'eau, je suis en état de janaba. Le prophète lui a dit, فَعَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ, tu dois utiliser le sa'id. Celui-ci te suffit. Celui-ci te suffit. ذَكَرَ الْعُلَمَا مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلًا أَنَّ السَّفَرْ لَا يُسْقِطُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ رَأَيْنَا صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ أو رأينا أن صلاة الجماعة لا تسقط في حالة الخوف فكيف بغيرها. Donc les savants, ils ont cité parmi les leçons que l'on peut tirer de ce hadith que le voyage n'annule pas ou ne fait pas tomber l'obligation d'accomplir la prière en groupe. Et certes, nous avons vu précédemment que la prière en groupe, l'obligation d'accomplir la prière en groupe, elle ne tombe pas à cause de la peur en période de guerre. Alors que dire d'une autre situation comme le voyage ou autre ? Thaniyan, deuxièmement, su'alu man i'tazala al-jama'a. Su'al amman i'tazala al-jama'a an sabab i'tizalihi. Et donc, deuxièmement, le fait d'interroger celui qui délaisse la jama'a, qui délaisse la prière en groupe. L'interroger concernant la cause qui fait qu'il délaisse la prière en groupe. فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْلَمْ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ يَتْرُكُ الْجَمَاعَ ثُمَّ يَتْرُكُ هَكَذَا. Il n'est pas convenable que le musulman sache que son frère musulman délaisse la prière en groupe et il le laisse comme ça. Il le laisse. Chacun se débrouille. Chacun se débrouille. Chacun se débrouille, tu vois. Non, c'est pas comme ça. Anta turidu li akhik ma tuhibbu li nafsik. Tu veux pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Que quelqu'un, si tu vois que tu t'écartes un peu, c'est difficile. C'est vrai, c'est pas facile ici. C'est pas facile. La société dans laquelle nous vivons appelle tout le temps les serviteurs à s'éloigner, à s'éloigner, à s'éloigner des masajids. Taïb, tu vois ton frère qui s'éloigne tout doucement. Appelle-le. Va le chercher. Yahri. Yahri, pourquoi tu viens pas à la salle en gros? Troisièmement, quand le cheikh Al-Bassam, rahimahullah, لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك فلعله أو فلعل له عذرا وأنت تلوم. Troisièmement, le Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, il dit, il n'est pas convenable pour celui qui voit quelqu'un qui est négligent dans l'accomplissement d'une œuvre, négligent dans la salat, négligent dans la zakat, négligent dans le jeûne. Tu vois quelqu'un qui, en apparence, il est négligent. Il s'éloigne de la mosquée, il ne fait pas la salat, etc. Il n'est pas convenable de commencer en le blâmant. Il n'est pas convenable de commencer par la dureté. Jusqu'à ce que tu vérifies la cause qui entraîne cela. Car il se peut qu'il est excusé et toi tu le blâmes. Il est excusé, le frère il a une excuse qui fait qu'il ne peut pas prier en jamara. Et toi tu viens, ah, taqillah, fi nafsik. Non. Doucement. Parfois certains ils ont que el-hujoum. Attaquer. Non, vas-y, istafsir. Demande-lui, pourquoi tu fais ça? Une fois qu'il t'explique la raison, là, on passe à l'étape suivante. C'est là qu'on va voir aussi, il peut y avoir encore la douceur ou la dureté. Attention. Antum tulahidun, anna Cheikh Al-Bassam huna, lam yunkir al-unf, ou al-ta'anif, mutlaqan. Il n'a pas, le Cheikh Al-Bassam, il n'a pas blâmé la dureté. Il ne l'a pas blâmé totalement. Mais il a blâmé le fait de commencer par celle-ci. لِأَنَّ الْعُنْفِ فِي مَحَلِّهِ حِكْمَةِ. Car la dureté, quand elle est mise à sa place, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse. La dureté, quand elle est mise à sa place, c'est de la sagesse. Il y a des moments où il faut y agir de façon douce et des moments où il faut agir de façon dure. Chaque chose a sa place. ويفهم من الحديث جواز التيمم عند الجنابة إن لم يجد الماء. On comprend aussi de ce hadith le fait qu'il soit permis de faire le tayammum lorsque la personne est en état de janaba. Parfois les gens ils pensent que le tayammum c'est que pour les petites ablutions. Non, c'est pour la janaba aussi. C'est aussi pour la janaba. Et certes, beaucoup de savants ont cité l'unanimité concernant cela. ويفهم من الحديث أيضا وجوب البحث عن الماء. On comprend aussi de ce hadith qu'il est obligatoire de chercher l'eau. C'est pas que tu restes chez toi, tu as tourné le robinet, il n'y a pas d'eau. Tayammum, khalas. Allez, certains vont dire, bon, j'ai vu chez moi, il n'y a pas d'eau. On va voir à la mosquée, Mali. À la mosquée, il n'y a pas d'eau? Tayammum. Est-ce que ça suffit pour dire qu'il n'y a pas d'eau ou alors il est obligatoire de chercher de l'eau? Faire des efforts pour chercher de l'eau. Si une fois que tu as cherché tu n'as pas trouvé, à ce moment-là tu fais tayammum. Adi. La même chose. Wa siyati al-wasf fi hadith allazi ba'dahu ghadan inshallah. Hein? Ouais, c'est ce hadith là qu'on verra demain inshallah. Et donc fa ar-rajul qala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam asabatni janabatun wa la ma. L'homme il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas, j'ai été touché par la janaba et je n'ai pas, et il n'y a pas d'eau. فَالرَّجُلُ لَا يَكُولُ وَلَا مَا إِلَّا بَعْدَمَا بَحَثَانَ الْمَا. Et la personne ne dit pas il n'y a pas d'eau avant d'avoir réellement cherché de l'eau. Sinon, tu ne peux pas dire il n'y a pas d'eau. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ مَذْهَبُ مَالِكُ وَالشَّافِعِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَيَةٍ عَنْهُ. Et cet avis est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed dans une des deux narrations qui sont rapportées de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, une version, il dit qu'il est obligatoire de chercher. Et la deuxième version, il va avec Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa qui dit qu'il n'est pas obligatoire de chercher, donc, de l'eau. À partir du moment où toi, tu as vu que tu penses qu'il n'y a pas d'eau, khalas, ça suffit, tu fais le tayammum. Non. La vie la plus juste, inshallah ta'ala, la vie de Jumhur, la majorité des savants, c'est que tu cherches. On est ici, il n'y a pas d'eau à la mosquée. Tu habites à côté, tu as vu qu'il n'y a pas d'eau. Alhamdoulilah, je suis sûr que tu vas trouver de l'eau dans des mahals, dans des magasins à côté. Tu vas au magasin, il n'y en a pas 3 minutes, 4 minutes. Tu prends de l'eau et alhamdoulilah. D'accord? Donc, c'est pas, tu as vu qu'il n'y a pas d'eau chez toi. Il n'y a pas d'eau à la mosquée. Tout de suite, allez les frères, tayammum pour tout le monde. Donc, voilà par rapport à ce point. Ensuite, un dernier point qu'on va voir ce soir, inshallah ta'ala, on continue demain. Wa fil hadith anna man tayammama thumma wajada al-ma wajaba alayhi an yasta'mila al-ma. Il y a dans le hadith le fait que celui qui fait le tayammum, puis après avoir fait le tayammum, il trouve de l'eau, il lui est obligatoire de trouver il lui est obligatoire d'utiliser l'eau pour faire ses ablutions. On a trouvé ça où dans le hadith? L'homme, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Esobatni janaba wala ma, j'ai été touché par la janaba, il n'y a pas d'eau. Le prophète, il lui a dit, fa'alika bis sa'idi fa innahu yakfik. Tu dois utiliser le sa'id, celui-ci te suffit. Où est-ce qu'on voit que lorsqu'il y a de l'eau, on doit revenir à l'eau? Là. Mais walakin ar-rajul tayammam aw na'am tayammam l'homme a fait le tayammum thumma salla thumma ja'a al-ma. Et donc il a fait tayammum, puis il a prié, et ensuite après ça on est tous là, on entend l'eau qui coule, parce que en général quand on tourne le robinet d'eau et qu'on voit qu'il n'y a pas d'eau, ben on laisse le robinet ouvert. On oublie de le refermer. Réflexe. Et donc, pendant la prière, ou alors on finit la prière, on entend l'eau qui coule. Est-ce qu'on doit retourner? Est-ce qu'on doit aller faire nos ablutions ou pas? Oui. Mais il est où? C'est où dans le hadith? فهذا الحديث يا إخوة هو الحديث الذي بين أيدينا رواية مختصرة من قصة طويلة ذكرها البخاري في صحيحه. Cette version, cette narration du hadith qu'on a est une narration résumée d'une longue histoire qui est dans Sahih al-Bukhari. Et donc il faut regarder la longue histoire au complet pour regarder la suite. Pour regarder la suite. ففي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بأصحابه في سفر. Et donc dans cette histoire il y a que le prophète صلى الله عليه وسلم il a accompli la prière du fajr avec ses compagnons durant le voyage. فرأى رجلا معتزلا عن القوم فسأله عما منعه من صلاة الجماعة. Et donc il a vu un homme qui était éloigné du groupe. Alors il lui a demandé quelle est la cause qui l'a empêché de prier, d'accomplir la prière commune. فَقَالَ إِنَّهُ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَا مَاءٌ. Alors l'homme, il a dit qu'il a été touché par la janaba et qu'il n'y a pas d'eau. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَكْفِيهِ. Alors le prophète, il lui a ordonné de faire le tayammum et il l'a informé que le tayammum lui suffit. فَتَيَمَّمَ الرَّجُلُ وَصَلَّى. Alors l'homme, il a fait le tayammum, puis il a prié. Thumma sara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète, il a continué à avancer dans son voyage. Ils ont prié, il continue d'avancer. Fashtaka an-nasu min al-atash. Alors les gens ont commencé à se plaindre de la soif. Ils avaient soif, il n'y a pas d'eau, ils ont soif. فَأَرْسَلَ مَنْ يُحْدِرُ الْمَاءِ فَأَحْدَرَ الْمَاءِ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé quelqu'un qui aille chercher de l'eau. Et la personne est revenue avec l'eau. Et ça encore c'est résumé. Parce que c'est une longue histoire. Et dans cette longue histoire, il y a encore des mu'jizat concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils sont revenus avec de l'eau. فَشَرِبَ النَّاسِ. Alors les gens ont bu. وكان آخر ذلك أن أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك. Et à la fin de cela, après qu'ils aient bu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à l'homme qui a été touché par la janaba, il lui a donné un récipient et il lui a dit: va et verse cela sur toi. Fais le rousse. Et donc les savants, ils ont tiré de cela le fait que si tu fais le tayammum, parce qu'il n'y a pas d'eau, puis après cela, tu pries. Et après avoir prié, tu trouves de l'eau. Alika an tatawadda. Al-an intaha at-tayammum. Le tayammum, il est fini maintenant. Il faut que tu fasses tes ablutions. Taib, hal tu'idu salat? Est-ce que tu recommences la prière que tu as faite? Non. Lianna salat sahiha. أنت صليت هذه الصلاة صلاة صحيحة بشروطها. Tu as fait cette prière avec ses conditions. Tu étais pur, etc. Et donc tu n'as pas recommencé cette prière. Mais par contre, tu fais tes ablutions maintenant pour la prochaine. طيب, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue demain avec le deuxième et troisième et dernier hadith du chapitre. Inch'Allah, waffaqallahu al-jami'a. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.